Alors que jeudi soir se tiendra dans de très nombreux lieux en France, mais également dans le monde, la nouvelle Nuit des idées, dont le thème est cette année « Face au présent », nous entamons une série sur l'éducation face au présent. Demain, nous aborderons l'enseignement jésuite. Mercredi, nous nous demanderons ce que fit à l'école l'arrivée au XXe siècle des images mobiles, du cinéma, de la télévision ou plus récemment des jeux vidéo. Et jeudi, comment naquit une morale laïque à la fin du XIXe siècle. Et ce matin, eh bien, nous avons l'immense plaisir de recevoir la professeure au Collège de France, Anne Cheng, grande spécialiste de Confucius et de ses réinterprétations historiques. Avec elle, nous allons réfléchir à ce que signifie justement suivre l'enseignement de Confucius. Enfin, à la fin de cette émission du lundi, Jean-Marc Bastier, rédacteur en chef de notre partenaire Histoire et Civilisation, viendra nous parler du dossier de ce dernier numéro, la migration de l'Homo sapiens. Bonjour à vous, Anne Cheng. Bonjour Emmanuel Laurentin. Merci d'être avec nous pour cette première émission d'une série consacrée à l'éducation dans son temps. On peut se demander d'ailleurs ce que signifie éduquer dans son temps quand un maître comme Confucius, ses enseignements ont continué depuis plus de 2000 ans dans un pays comme la Chine, mais également dans d'autres régions d'Asie. Effectivement, est-ce qu'il s'est adapté, cet enseignement confucéen, à toutes les périodes historiques qu'il a pu traverser ? Tout d'abord, le tout premier mot des entretiens de Confucius, ce n'est pas éduquer, c'est apprendre. Mmh. En chinois moderne, xue. Et on peut dire que dans ce mot se résume tout le message confucéen. Dans la dernière traduction des entretiens de Confucius aux belles lettres, dans la collection que vous co-dirigez, Anne Cheng, une traduction qui est signée Jean Lévy, ça commence par « Le maître a dit, pratiquez saison venue ce que l'on a appris, ah, quelle joie !» Et c'est justement cette question de l'apprentissage, de apprendre qui est au cœur de cet enseignement confucéen. Oui, parce que en réalité, on s'aperçoit que pour Confucius, en tout cas, ce qu'on lui attribue, évidemment, parce que bon, enfin, je pense qu'on va. Oui, mais toujours est-il que je pense vraiment que ce Confucius, non seulement il a réellement existé, mais il a été porteur de ce message pour l'humanité. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un très grand projet pour l'humain. Dans la mesure où, pour lui, dire que le premier mot est vraiment le grand mot clé de son message, c'est apprendre. Ça veut dire que l'humain, c'est quelque chose. C'est un être qui apprend toujours. Qui est perfectible. Qui est perfectible. Oui, il y a une qui peut s'améliorer à chaque instant. Exactement. C'est quelque chose qui a été renforcé ensuite par les Confucéens ultérieurs en une sorte de presque d'angoisse existentielle. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas constamment, si vous n'essayez pas de vous tirer constamment vers le haut, vous retombez automatiquement dans la brutalité, dans l'état de la bête, enfin de barbarie, dirait-on en Occident. Voilà, oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le premier mot de la condition humaine pour Confucius. Alors justement, vous avez déjà évoqué la possibilité qu'on ne sache pas tout sur la personne même de Confucius, d'ailleurs qui est un nom inventé par les jésuites, dont on parlera demain lorsqu'ils pénétrèrent l'Empire. Donc chinois, c'était au 16e, 17e siècle. Mmh. Et en l'occurrence, ce personnage de Confucius, on sait quoi à peu près sur lui pour pouvoir justement cadrer ce qu'a été son enseignement auprès de ceux qu'on appelle ses disciples ou ses pseudo-disciples, Anne Cheng? Oui, enfin, Confucius, c'est pas exactement une invention intégrale. Enfin, disons que les jésuites ont latinisé une appellation chinoise qui est Kong Fuzi. Kong, c'est le nom de famille de Confucius en chinois, et Fuzi, ça veut dire maître. Donc ils l'ont simplement latinisé, mais il se trouve que c'est un des rares noms chinois qui était latinisé. Enfin, vous avez aussi Mencius, mm-hmm. qui est un successeur de Confucius, et vous avez Mocius aussi, mm-hmm. Mozi, qui est un autre maître de l'Antiquité. Mais au fond, les élites européennes n'ont retenu que pratiquement que ce nom-là. Quand vous parlez à n'importe qui dans la rue, enfin, de ce qu'il a retenu de la culture chinoise, c'est il y a que ce nom-là qui surnage à peu près. Hein. C'est alors maintenant ce personnage, évidemment, la biographie qui a été écrite bien des siècles plus tard par le grand historien Sima Qian, donc au 1er siècle avant l'ère chrétienne, puisque je rappelle que Confucius lui-même aurait vécu entre le 6e et le 5e siècle, hein, avant Jésus-Christ. Cette biographie est en grande partie légendaire. D'ailleurs, elle est très intéressante. On y voit la rencontre entre Confucius et Laozi, qui ce sont justement les deux personnages qui sont à l'origine de ce que Jean Lévy appelle les deux arbres de la voix. Hein. Mais donc, bien sûr, Laozi n'a pas véritablement d'existence historique. Enfin, mais toujours est-il que ce Confucius, je pense que c'est quelqu'un qui, comme les grands personnages qui ont marqué l'histoire de l'humanité, comme le Bouddha, comme Jésus-Christ, etc., sont des personnages qui ont marqué les esprits d'une certaine façon. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, etc. Alors on sait qu'ils ont enseigné. Qu'ils ont donné un message à des gens qui étaient autour d'eux et qu'on pouvait considérer comme leurs disciples. Exactement, oui. Ce sont justement des personnages qui partagent ce trait commun, qui n'ont pas laissé d'écrit. Sont des porteurs de parole, et cette parole a vraiment laissé une marque, et je pense que Confucius, lui, c'est quelqu'un qui a voulu servir à quelque chose, servir un prince, c'est-à-dire le prince de son pays natal de Lu, qui se situe dans la province actuelle du Shandong, donc à l'extrême est de la Chine, et qui d'une certaine manière a compris à un moment donné que c'était en vain. Donc il a essayé ensuite de se déplacer d'une principauté à l'autre pour trouver un prince qui veuille bien l'écouter, et en réalité, au bout de d'années de pérégrination vaine, il est revenu à son pays natal très amer, enfin en ayant l'impression d'être un raté, et il s'est contenté de parler à un petit nombre de disciples autour de lui. Donc mais d'une certaine façon, sa parole a quand même été transmise. Elle a été transmise et elle est devenue fort importante, tellement importante au bout du compte que ces textes, et en particulier ces fameux entretiens qui ont été composés, et pour l'instant des historiens du texte sont en train de les relire, ces entretiens, parce que on a des versions différentes. D'ailleurs, les traductions en français, que ce soit celle que vous aviez produite vous-même en 1980, Han Cheng, mais aussi celle de Jean Lévy plus récente, et bien d'autres aussi, sont différentes. C'est-à-dire qu'on approche le texte avec des versions différentes de ces traductions. Eh bien, ces entretiens, aujourd'hui, on se dit, ils ont été composés, composites, ils se sont sédimentés sur plusieurs siècles sûrement. Ils parlent sûrement d'un maître Kong, mais ils parlent aussi peut-être d'autres maîtres ou d'autres extraits plus anciens qui reviendraient au jour, au fur et à mesure où on analyse justement ces couches sédimentaires. En tout cas, on y travaille comme on a travaillé sur les lectures de l'Évangile, par exemple, aujourd'hui, Han Cheng. Oui, en effet. Enfin, j'ai consacré une partie de mes cours au Collège de France à l'histoire textuelle très compliquée des entretiens qui n'ont histoire textuelle qui n'a rien à envier à celle des évangiles. Enfin, donc les évangiles, on sait qu'ils existent au moins en quatre versions différentes. Bon, ici, nous avons le sentiment d'un espèce de ramassis, enfin un peu aléatoire de propos qui ont été glanés ici et là. Malgré tout, enfin moi, mais c'est ma conviction et je pense que c'est une conviction que je partage avec Jean Lévy, contre ce qu'on a pu appeler les déconstructeurs, cette école d'origine allemande, mais qui maintenant sévit en quelque sorte essentiellement en pays anglophone, aux États-Unis. Alors, Jean Lévy n'hésite pas à les appeler carrément des négationnistes, ce que je trouve peut-être inutilement exagéré, mais en tout cas, ce sont des déconstructeurs qui ont vraiment mis le texte en pièces. En pensant qu'il y a une couche plus ancienne qui se contente d'être 3 ou 4 ou 5 des chapitres, ce qu'on appelle les chapitres de ces entretiens, et puis d'autres couches qui se sont rajoutées à cette couche plus ancienne et qui viendraient d'autres sources, le tout faisant une sorte de corpus qui a été appelé, ou qu'on a appelé au fur et à mesure du temps, les entretiens de Confucius. Oui, enfin, les déconstructeurs vont même plus loin. Enfin, ils disent que là, enfin, on a vraiment une espèce de, comment dire, de collection de propos, enfin, qui sont attribuables à un maître, mais en fait, qui nous dit que ce maître est Confucius. Enfin, donc, ils vont vraiment très très loin dans la déconstruction. Malgré tout, la conviction que je partage avec Jean Lévy, c'est que dans ce ramassis, on entend quand même la voix de quelqu'un. Bien sûr, on a en fait une sorte de quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on ressent quand on est sur le forum romain. Enfin, des voix qui viennent, enfin, de d'époques différentes, etc. Enfin, qui résonnent un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une voix qui se détache avec justement ce message sur le ce que j'ai appelé le pari sur l'humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et qui a, à mon sens, quand même forgé une certaine forme d'humanité chinoise. Alors, il y a un chapitre que, dans sa traduction à lui, qui vient tout juste de paraître aux éditions des Belles Lettres, Jean Lévy intitule « Je transmets », le chapitre 7, qui est justement sur cette question de la transmission, de l'éducation, de ce que l'on dit du maître à disciple. Et le premier verset, je ne sais pas comment on dit, c'est « Le maître a dit, je transmets, je n'innove pas, j'ai foi dans l'Antiquité et je la chéris. S'il m'était permis de hasarder une comparaison, je me définirais comme un vieux scribe. » Alors, il y a cette tension, quand on vous lit Han Cheng, chez Confucius, d'être à la fois quelqu'un qui peut être considéré comme un conservateur qui veut conserver les enseignements des anciens, mais en même temps quelqu'un qui se donne la liberté aussi de l'interprétation, de la capacité justement de partir de ces enseignements des anciens pour pouvoir l'adapter, cet enseignement, au monde dans lequel il vit, et ce qui a permis d'ailleurs à cet enseignement confucéen de passer les siècles jusqu'à nous en l'occurrence. Oui, tout à fait. Quand on voit un petit peu l'image qu'on a pu se faire de Confucius. Enfin, comme disait un historien chinois, en fait, à chaque époque, son Confucius. Mais il n'y a pas que ça. C'est que Confucius a pu apparaître à la fois comme un horrible conservateur, même un espèce de réactionnaire, enfin bon, agrippé à la tradition. Au rite. Oui, à une tradition complètement sclérosée, etc. Et en même temps, pardonnez-moi cette expression, en même temps il a pu apparaître comme un révolutionnaire absolument radical. Donc là il faut arriver à expliquer ça. Je pense que dans ce grand projet humain il y a l'idée que d'abord l'humain c'est d'abord quelque chose qu'il faut arriver à perpétuer, c'est-à-dire que si nous laissons faire l'état de nature, en quelque sorte, nous allons commencer à nous entremassacrer. Hein, bon, donc là, il y a déjà une question tout à fait pressante et qui tombe au coin du bon sens. C'est-à-dire, c'est arriver à, comment dire, non seulement à vivre, mais à faire société, à vivre ensemble. Oui, c'est ça. Et donc, d'une génération à l'autre, c'est-à-dire que l'humain, c'est une sorte de culture humaine qui se transmet d'une génération à l'autre en essayant de se perfectionner tout le temps. Enfin, parce que sinon, encore une fois, on retombe dans la brutalité. Je crois que toute l'expérience humaine nous le montre, et même l'expérience très récente et même l'expérience présente. Enfin, on a l'impression que depuis Confucius, l'humanité n'a pas véritablement appris. Hein, Alors, ce que vous dites, Han Cheng, c'est que, et en particulier dans votre histoire de la pensée chinoise, vous dites qu'apprendre chez Confucius, c'est apprendre à faire de soi un être humain. C'est-à-dire que c'est cette idée qu'il y a le ren, ce qu'on appelle le ren, donc chez Confucius, c'est le sens de l'humain. Il faut donc l'appréhender, ce sens de l'humain, et qu'on apprend que avec les autres, que par les autres et avec les autres, c'est-à-dire que il y a ce lien très particulier qui se tisse avec ceux qui sont autour de vous, et que c'est cet apprentissage qui fait de vous un être humain perfectionnable, devenant chaque jour meilleur s'il suit les préceptes et les rites. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre ce qu'est l'apprentissage chez Confucius, Han Cheng. Oui, Emmanuel Laurentin, là, j'ai l'impression que vous avez tout compris, donc j'ai plus rien à dire. Oui, d'abord, il faut commencer par observer que cette qualité de gêne, c'est dommage qu'on puisse pas montrer la graphie du caractère, mais c'est un caractère qui a pour composante principale un autre caractère qui se prononce également jeune et qui veut dire l'humain, justement. Donc et avec l'ajout du graphème 2 qui signifie 2. Alors bien sûr c'est facile de sauter sur l'interprétation selon laquelle l'humain ne peut se construire qu'à deux, hein, c'est comme on dit, hein, pour aimer il faut être deux, hein, là aussi je crois que la force de ce message confucéen, c'est qu'il il parle à tout le monde. C'est pas une doctrine, comment dire, abstraite, compliquée. C'est même pas un idéal. Hein. C'est quelque chose qui parle tout de suite, en fait, à notre expérience humaine. Vous dites que c'est un savoir à visée pratique. C'est-à-dire que c'est éduqué, c'est dans une visée pratique, c'est-à-dire que l'important, c'est de savoir comment, dites-vous, plutôt que de savoir que. Donc il y a comme quelque chose de l'apprentissage quotidien, pourrait-on dire, de cette façon dont les corps et les humains se frottent entre eux, d'une certaine façon, qui est nécessaire pour pouvoir entrer dans cette éducation confucéenne. Oui, disons que j'aime pas trop cette distinction entre le pratique et le théorique. En réalité, quand on s'observe vivre en tant qu'être humain, on s'aperçoit au jour le jour, enfin, que ce qui est le plus difficile, c'est précisément la relation à l'autre. Je parlais d'amour, mais il y a aussi, bien sûr, d'autres façons de se relier aux autres. En réalité, c'est ça la chose la plus difficile. Dans n'importe quelle de vos relations, qu'elles soient familiales, sociales, politiques, etc., le plus difficile, c'est de comment dire, d'apprendre justement à écouter l'autre. Mesurer justement cette distance qu'il y a à conserver avec l'autre pour qu'il n'y ait pas cette fusion complètement pathologique, et en même temps arriver justement à entrer en relation. Et ça, c'est toute la question des rites. Il faut y venir, parce qu'on a souvent considéré que, enfin, certains ont considéré qu'il y avait là une religion, la religion confucéenne. D'autres interprétations sont bien différentes. Quelle est la place de ces rites? Pourquoi ces rites sont-ils nécessaires chez Confucius, justement pour établir cette relation harmonieuse avec les autres? Et en quoi ils tiennent quoi, ces rites, d'une certaine façon, à Changi? Oui, alors les rites, c'est une notion qui recouvre beaucoup de choses. Hein. Alors évidemment, quand on parle de rites dans notre contexte européen et surtout dans nos sociétés modernes, on ne sait plus trop ce que c'est d'ailleurs. Hein. Bon, mais les rites, ça peut évidemment être, il y a cet aspect effectivement religieux, enfin des grands rites d'État, enfin qui ont été mis en place aussi par l'empire centralisé chinois, c'est-à-dire donc ces rites au ciel, enfin célébrés par l'empereur pour obtenir de bonnes récoltes, etc. Mais l'esprit des rites, c'est quelque chose qui commence par soi-même en réalité. Et vous vous apercevez que là aussi, quand vous êtes en relation avec l'autre, il y a d'abord, justement, c'est ce que je viens de dire, cette question de comment dire. Ce paradoxe de la distance qui rapproche, hein, les rites, c'est vraiment ça. C'est-à-dire c'est quand vous nouez une amitié, quand vous êtes dans une relation amoureuse, enfin il y a ce paradoxe à la fois de cette appétence de rapprochement, de proximité, mais en même temps vous apercevez qu'il faut justement garder cette distance parce que sinon vous détruisez la relation. Donc il y a cet équilibre qui est à chercher tout le temps. L'esprit confucien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire cultiver l'humain dans cette finesse de la relation. Et alors, on parle beaucoup dans le contexte chinois du sens de la face. Bon, alors ça, c'est une observation qu'on fait les étrangers. Alors, pour eux, toute la moralité chinoise se réduit à ça, enfin, le sens de la face. Mais en réalité, en chinois, on dit pas sauver la face, on dit en fait donner à l'autre de la face. C'est ce qui est très différent. Hein. Quand vous essayez justement de ne pas mettre l'autre dans l'embarras, vous trouvez une stratégie, enfin pour justement ne pas le lui faire honte, etc. Enfin, donc c'est pas une question tellement de sauver sa propre face, c'est donner à l'autre de la face. Donc ça, tout ça, ça entre justement dans ce fameux esprit des rites. Hein. Alors justement, comment cet enseignement si simple et si complexe à la fois, parce que ceux qui critiquent Confucius disent, ben voilà, parmi les déconstructeurs dont vous parliez tout à l'heure, c'est un ramassis de propos qui peuvent être tenus par la sagesse populaire d'une certaine façon, et puis quelquefois il y a d'autres choses qui surnagent. Donc comment, à partir de ce travail sur les entretiens, ce qu'on appelle les entretiens de Confucius, a-t-on pu, à différentes époques, se reforger une vision du monde? Comment cet enseignement a-t-il servi? Il a servi ne serait-ce que pour les examens mandarinaux, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, enfin il a servi pour pouvoir créer des lettrés qui devenaient les hauts fonctionnaires de l'Empire, en l'occurrence, puisque on se fondait sur ces enseignements de Confucius et de ses disciples pour pouvoir passer ce travail et ces examens. Comment s'est-il adapté cet enseignement-là, Han Sheng, à différentes périodes, à différentes époques, avec des dynasties qui étaient très différentes, avec des propos, j'imagine, des empereurs qui étaient extrêmement différents, jusqu'au XXe siècle où on l'a momentanément abandonné avant de le faire revenir en force ces dernières années? Oui, alors là, il faut d'abord que je précise que, en réalité, les entretiens ont ce statut très très spécial dans la mesure où ils n'ont pas été considérés textes canoniques jusqu'à une époque très tardive. Jamais, en fait, ils n'ont fait l'objet justement du cursus obligatoire pour ces fameux examens civils, ces concours. Ce ne sont pas les évangiles, justement. Vous parliez des évangiles, ce ne sont pas les évangiles. On a écarté les évangiles apocryphes et on n'en a gardé que quatre. Là, ce n'est pas le cas, en l'occurrence. Non, disons que les écritures, enfin les textes canoniques dits confucéens, qui faisaient l'objet justement des connaissances obligatoires pour réussir aux examens civils, ce sont en fait c'est un corpus bon qui a changé. Vous avez au départ 5 textes canoniques, donc qui sont les documents historiques, les poèmes, les rites, les annales des printemps et automnes et le livre des mutations. Bon, et ensuite, bon, on a ajouté d'autres choses, etc. Enfin, c'est un canon assez élastique, enfin qui a varié au cours des siècles, mais jamais les entretiens ne faisaient partie de ce corpus. Mais ils étaient tout de même connus. Mais les entretiens, en réalité, ont été très vite utilisés comme manuel d'apprentissage pour les enfants. Mm-hmm. C'est-à-dire, comme c'est un texte assez court, avec des propos, des maximes très courtes. Oui, c'est ça. Enfin, des aphorismes, enfin très très courts, donc facile à mémoriser. Donc, il a servi de manuel d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, de la mémorisation pour les enfants. On a même retrouvé enfin des manuscrits, enfin des brouillons d'enfants avec des écritures enfantines comme ça qui dans les grottes dans le Grand Ouest de la Chine, qui ont été aussi visités par Paul Pelliot, enfin le grand sinologue français du début du XXe siècle. Et donc dans ces manuscrits, on a retrouvé ces copies d'enfants qui à qui on demandait de recopier les entretiens de Confucius, qui est assez mignon, mais en réalité ils n'ont jamais fait partie justement de ce corpus des concours dits mandarinaux. Alors, mais néanmoins, cette pensée irrigue. Soit par les enfants, la petite école, pourrait-on dire, soit à un plus haut niveau par ce corpus qui sert aux examens dits mandarinaux, irrigue la totalité de l'espace et de la pensée chinoise et doit faire face, cette pensée de Confucius, à l'arrivée d'autres pensées. Vous avez travaillé vous-même dans votre histoire de la pensée chinoise sur l'arrivée du bouddhisme, sur d'autres, le taoïsme, etc., qui s'imposent à d'autres moments et qui, d'une certaine façon, doit laisser une place à ce grand ancien qui était Confucius. Il doit trouver sa place et il doit continuer à permettre l'enseignement ou l'apprentissage des jeunes ou des moins jeunes chinois, en l'occurrence Han Cheng. En France, nous avons l'avantage, d'être en mesure de comprendre un petit peu comment fonctionnaient ces examens civils, dans la mesure où je soupçonne que le système éducatif français s'en est inspiré pour créer les grandes écoles. Moi, je pense que notre Napoléon national a dû s'inspirer justement de ces examens mandarinaux pour créer justement ce système des concours d'entrée dans les grandes écoles. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que ce corpus obligatoire pour réussir à ces examens, ça peut se comparer justement en fait au corpus de culture générale qu'on exige, enfin des apprentis normaliens, enfin de ceux qui vont faire l'ENA, des polytechniciens, etc. Enfin, donc voilà, la connaissance de base, enfin de ce qu'un disons un gentilhomme est censé savoir, enfin et ce qui l'empêche pas ensuite de s'intéresser à mille autres choses, hein. Je veux dire, ça a été le cas enfin de tous ces grands lettrés bureaucrates chinois, enfin ces lettrés fonctionnaires qui ont servi l'État, enfin je veux dire avec loyauté, mais en même temps qui s'intéressaient à mille autres choses. On a vu qui était aussi proche des bouddhistes, etc. Enfin, je veux dire, très intéressé par la lecture taoïste de livres des mutations, etc. Donc, vraiment, on a quelque chose, une culture vivante tout de même. Alors, cette culture vivante, elle a voulu à un moment, et vous l'avez expliqué dans vos cours au Collège de France, oublier Confucius. au 19e et surtout au 20e siècle, il y a eu un moment d'oubli. Il y en a peut-être eu d'autres d'ailleurs plus anciens, mais en tout cas celui-ci, on le connaît bien, il est bien documenté. On a voulu mettre à l'écart Confucius jusqu'à la fin de la Révolution culturelle en particulier. Et nous assistons maintenant à un retour de Confucius, à une réinterprétation, à des nouveaux usages, pourrait-on dire, de Confucius, avec les fameux instituts Confucius qui se répandent dans le monde entier, de la part du gouvernement chinois, qui sont les équivalents de nos instituts français, peut-être, ou de l'Institut Goethe, je ne sais. Enfin, en tout cas, ce sont des lieux où on enseigne la langue et la culture chinoise et les traditions de cette culture chinoise. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que ce moment, Han Cheng, où on rejette violemment l'enseignement de Confucius dans cette société chinoise, alors qu'il a fasciné les Occidentaux, et on parlera des jésuites demain, ils ont été fascinés par cet enseignement de Confucius, et même Voltaire, tout le siècle des Lumières est nourri de cette figure de Confucius. Pourquoi est-il rejeté un moment, et pourquoi revient-il en force à la fin, la toute fin du XXe siècle, Han Cheng? Oui, Confucius, on ne l'a pas oublié. En fait, on ne l'a jamais oublié. On a voulu s'en débarrasser, le mettre à la poubelle. Comme d'un cadavre encombrant. Le mettre à la poubelle, oui. Alors ça, c'est une nécessité qui est apparue à partir du tout début du XXe siècle, puisque la Chine à ce moment-là était, comme le dit la terminologie actuelle, semi-colonisée, c'est-à-dire qu'elle était déjà en fait, attaquée de tous les côtés par les puissances occidentales. Et je rappelle toujours que dans ce contexte, quand on dit puissance occidentale, ça comprend également le Japon. À ce moment-là, la Chine était vraiment confrontée à un problème de survie. Je me souviens que même mon père, n'est pas, enfin il est assez âgé, mais enfin toujours est-il qu'il a connu cette période où les intellectuels chinois se demandaient sérieusement si la Chine n'allait pas être rayée de la carte, tout simplement, un jour. Enfin, on a du mal à se représenter cette notion. C'était quoi, dans les années 1930 Oui, enfin bon, effectivement, enfin avec les attaques répétées depuis les guerres de l'opium, ensuite, bien sûr, ça a été renforcé par l'invasion japonaise, la guerre civile entre les nationalistes, les communistes, etc. Donc là, vraiment, on s'est beaucoup inquiété sur la survie de l'entité chinoise. Et dans ce contexte, il apparaissait que il fallait se débarrasser radicalement de toute la culture traditionnelle qui était qui semblait inutile pour affronter justement ce temps de qui semblait se résumer à Confucius en quelque sorte. Confucius était un petit peu l'icône de tout ce qu'il fallait mettre à la poubelle pour donner à la Chine une chance de survivre. Dans justement la bataille des nations et donc c'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début du XXe siècle. Alors il y a eu ce processus de sécularisation à tout va. Ensuite tout le XXe siècle chinois, c'est une succession de révolutions, de guerres, etc. Avec l'arrivée des communistes, bien sûr, en 1949, donc nous sommes au milieu du XXe siècle, on pourrait dire que les communistes en ont rajouté une couche, enfin en essayant véritablement d'éradiquer, pendant la Révolution culturelle, de détruire tout ce qui restait à détruire. Et Dieu sait que pendant la Révolution culturelle, on a détruit, et alors qu'il restait plus grand chose à détruire en réalité. Hein, donc alors comment et alors là maintenant, ce qu'on voit, c'est non pas pas véritablement un retour de Confucius, mais une reconstruction complète. Alors expliquez-nous ça, parce que c'est très intéressant quand on vous lit, quand on suit vos cours au Collège de France, vous l'avez fort bien raconté, Han Cheng. On peut dire que c'est un usage politique du passé, comme on en a dans toutes nos sociétés. Mais là, en l'occurrence, on va rechercher ce Confucius qu'on avait voulu, comme vous le disiez, jeter à la poubelle dans les décennies précédentes, et on le reconstruit, on lui retaille une nouvelle figure, une nouvelle statue. Quelle est-elle, cette statue? Et justement, en quoi ça a quelque chose à voir avec cette question de l'enseignement, de l'éducation, qui sera au cœur de notre semaine aujourd'hui? Alors, il faut aussi se rappeler que les gardes rouges de la révolution culturelle qui sévissaient dans les années 70 essentiellement, donc c'est la période où le groupe tel quel débarque en Chine, Solers, Barthes et tout ça. Enfin, donc ils arrivent au plus fort justement de cette campagne contre Confucius et Lin Biao. Ils sont témoins justement de ces destructions des gardes rouges. Ils trouvent ça formidable, évidemment. Alors, il faut quand même se rappeler que ces gardes rouges qui, à l'époque, avaient entre 20 et 30 ans, maintenant, vous avez les mêmes qui ont vieilli, qui sont maintenant au pouvoir. Ils en ont 42 plus ou 50 de plus. Oui, c'est ça, qui sont maintenant au pouvoir, qui sont aux affaires. Alors, les mêmes qui s'appliquaient à détruire tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à ce qu'ils considéraient comme de la tradition, etc., de la vieille société, maintenant, ce sont les mêmes qui érigent des statues de Confucius partout. Et ce sont les mêmes, donc, qui... installe des instituts Confucius dans le monde entier. Alors, un petit mot sur les instituts Confucius. Là aussi, il faut quand même voir très clairement que ça n'a rien à voir avec les alliances françaises ou les instituts Goethe. Que je sache, les alliances françaises ne sont pas implantées à même les universités. Ce qui est le cas des instituts Confucius. Et les instituts Confucius, il faut dire clairement ce qui est, c'est tout simplement le bras armé de la propagande chinoise. Ces instituts Confucius dépendent directement de l'État chinois, d'où les masses d'argent qu'ils peuvent apporter, et d'où la difficulté de leur résister, vous comprenez. Enfin, même dans des pays comme la France, où les universités sont en pleine déréliction, et voient arriver donc ces instituts Confucius comme des sauveurs. Mais qu'apprend-on justement, pas simplement dans ces instituts Confucius, mais qu'apprend-on de ce renouveau justement de l'apprentissage confucéen, de l'éducation confucéenne? Qu'est-ce qu'on lui fait dire, d'une certaine façon, Han Cheng à Confucius aujourd'hui? C'est-à-dire en quoi ces leçons dont vous avez montré qu'elles étaient des leçons d'humanité, des leçons de relationnel entre les humains, avec ce sens de l'humain qui est au cœur de votre travail, en quoi servent-elles aujourd'hui à vivre pour des millions et des dizaines de millions de Chinois, mais peut-être aussi pour d'autres qui voudraient les suivre aujourd'hui? Est-ce que on peut dire qu'il y a différentes façons de vivre et d'apprendre avec Confucius aujourd'hui, selon que l'on soit sur le territoire chinois, en dehors, outre-mer, ici en France, ou qu'est-ce qu'on en fait de cela? Alors là, c'est une vaste question, mais je commencerai par dire que la leçon humaine de Confucius, elle implique aussi la résistance justement à ce qui n'est pas humain. Or maintenant, disons ce qu'on fait dire à Confucius, alors c'est d'autant plus facile de manipuler le message que les gens ne le lisent pas dans le texte. Maintenant, il n'y a plus véritablement, en tout cas au stade de l'école primaire, de formation en chinois classique ou en chinois ancien. Les textes confucéens sont écrits dans un chinois modernisé, ancien. Donc, alors maintenant, bien sûr, il y a des éditions modernes qui sont des traductions en fait en chinois moderne, parce que au fond, entre le chinois moderne et le chinois écrit ancien, vous avez à peu près la même différence qu'entre le français moderne et le latin. Enfin, donc ça demande une une formation spéciale. Alors déjà, actuellement, cette formation n'est plus là. Par conséquent, on peut d'autant mieux, d'autant plus facilement faire dire à Confucius ce qu'on veut. Hein. Bon, alors vous avez des versions édulcorées de Confucius. J'ai parlé de cette Madame Yutan, cette spécialiste de com, qui en fait n'est pas du tout spécialiste des textes. Ça devient une sorte d'aide à vivre, pourrait-on oui, dire. Oui, c'est ça. Un oui, peu c'est de bien-être. Oui, oui, c'est ça. Voilà. En fait, donc on l'a accusée, cette dame, justement, de servir du bouillon de poulet pour l'âme. Enfin, donc vraiment un Confucius extrêmement consensuel, etc. Enfin, et qui va dans le sens justement de ce qui arrange le régime. Le pouvoir chinois. Inculquer aux gens en fait le sens de la soumission à l'autorité. Enfin, tout le contraire de ce que l'esprit confucien a toujours défendu. Enfin, je veux dire, il faut quand même rappeler que on a justement cette image du conseiller confucéen au prince qui vient dire ses quatre vérités au prince avec son cercueil sous le bras, vous comprenez. Enfin, je veux dire, parce qu'il sait très bien que ça va pas passer. Il sait ce qu'il risque, mais il y va quand même. Bon, là c'est une dimension qui disparaît totalement, enfin, dans le Confucius qu'on voudrait nous servir maintenant, hein. Mais toujours est-il que on peut espérer que maintenant que Confucius est de nouveau disponible à la lecture, que ça peut éventuellement faire réfléchir un petit peu les gens. Mais le problème, c'est que nous avons un régime qui est maintenant à des moyens politiques, sociaux et technologiques tels qu'il est capable d'étouffer enfin toute velléité de penser par soi-même. Hein. Justement, cet enseignement confucéen, et vous le rappelez, comme d'ailleurs Jean Lévy, c'est justement cette capacité à penser par soi-même. Oui, et à se construire soi-même. À se construire soi-même. Parce que là, alors se construire soi-même en tant qu'humain, c'est quelque chose que vous pouvez pas déléguer à quelqu'un d'autre. Hein. C'est comme d'aller aux toilettes. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous faire remplacer par quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose qui commence par soi. Ça, c'est vraiment, c'est tout à fait fondamental. Hein. C'est d'ailleurs très intéressant, ce travail lent et patient qu'a mis en place justement Confucius, qui part de soi et qui construit au fur et à mesure justement le lien à l'autre. C'est-à-dire que on démarre par soi, on va dans la relation avec un premier, puis avec un deuxième, puis avec une société, pourrait-on dire, etc. Et c'est comme ça que se construit justement cet ordre ou cette société harmonieuse qu'il appelle de ses voeux. Oui, c'est-à-dire justement cet apprentissage de l'humain, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'abstrait, en partant justement d'une conception, par exemple, de la société. Ça commence par un travail sur soi. Je pense que c'est vraiment la grande force du message confucien. C'est pas qui part d'une théorie justement du corps sociopolitique, politique, etc. Non, c'est quelque chose qui commence par un travail sur soi et qui est un apprentissage permanent dans la relation aux autres. Alors les autres, ça peut être effectivement les membres de la famille. C'est en général, ça commence comme ça. Hein. Bon, un enfant, il naît au monde au sein de sa famille, d'une structure familiale en général. Bon, ou en tout cas, enfin, au sein d'un groupe humain. Et donc il apprend à devenir humain comme ça, et ensuite il élargit justement ses relations au corps social. Et donc le but au bout du compte, c'est l'agir moral ou agir moralement. Qu'est-ce qu'il y a dans cette relation à l'autre qui nous oblige et qui en même temps nous fait plaisir, parce que ça n'est pas simplement que de la contrainte, c'est qu'il y a, on apprend des autres, mais en même temps on est obligé par ces mêmes autres qui sont autour de vous. Il y a les rites qui encadrent toute cette société. C'est quoi cet agir moral qui serait au cœur de cet enseignement confucéen ? Je pense qu'il y a, je crois que vous avez raison de rappeler que qu'il y a de la joie là-dedans. Mmh. C'est ce que dit justement la toute première phrase des entretiens. Mmh. Parce que il y a ce plaisir de vivre ensemble, tout simplement. La première, pratiquer saison venue ce que l'on a appris à. Quelle joie, accueillir des amis qui viennent de loin à. Quel bonheur, endurer sans acrimonie d'être ignoré des hommes à. Quelle noblesse, ça c'est dans la traduction de Jean Lévy aux belles lettres en mmh, l'occurrence. Oui. Donc c'est effectivement cette joie, ce bonheur, c'est au cœur de l'enseignement de Confucius. Oui, de vivre, disons, comment dire, en bonne entente, en harmonie avec les autres. Ça c'est au fond que peut désirer le l'humain. D'arriver justement non seulement à perpétuer la vie biologique, mais aussi de se vivre ensemble en harmonie. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a complètement perdu de vue dans les sociétés modernes. Avec cette question de la réciprocité qui est là, c'est-à-dire qu'en fait, mes actions ont un effet sur l'autre, mais l'autre, les actions des autres ont des effets sur moi. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire, notre discussion là, c'est le propre même de l'enseignement confucéen. C'est-à-dire que je vous pose des questions, vous me donnez la possibilité de votre côté de transmettre votre savoir. Mmh. Et cet échange est au cœur de cet enseignement confucéen. Il n'y a pas d'enseignement sans cet échange, en l'occurrence. Oui, c'est même plus que ça, je dirais. La relation à l'autre, elle se construit effectivement dans cette réciprocité, c'est-à-dire le fait, dit noir sur blanc dans les entretiens, c'est le fait de penser que l'autre a les mêmes aspirations, les mêmes besoins que moi. Par conséquent, je dois le traiter comme si c'était moi, en fait. Et ça, je pense que c'est tout à fait fondamental. Ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ça, c'est la fameuse règle d'or, mais qui marche à tous les coups, on pourrait dire, parce que quand vous êtes tenté justement de d'écraser quelqu'un, enfin de l'écraser de votre mépris ou de l'écraser physiquement. Il faut vous demander avant de faire ça, est-ce que vous aimeriez que cette personne vous fasse ça? Ben non. Donc vous ne le faites pas, parce que c'est en cela que les jésuites avaient considéré que ça pouvait être considéré comme une sorte de message qui était assimilable au message du Christ. Cette capacité d'universalisation de la pensée de Confucius. Oui. Hors de la sphère même dans laquelle elle a été créée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous le disiez au début, Han Cheng, on peut le mettre à l'aune de, où il a été souvent mis à l'aune de tous les grands penseurs ou prophètes qui ont parcouru la planète avant et après lui. Oui, effectivement, je parlais de la règle d'or. Vous la retrouvez effectivement aussi dans la Bible, enfin dans d'autres grands textes civilisationnels. C'est probablement pour ça que Jaspers a considéré que Confucius était tout à fait intégré dans ce qu'il appelait l'âge axial. Enfin, avec cette émergence justement des grandes spiritualités un peu partout dans le monde. Donc, je pense effectivement que cet humanisme confucéen, il est tout à fait universalisable, oui. Il est universalisable, mais il nécessite de notre part, avec les barrières mentales que nous nous sommes données dans cet enseignement européen, par exemple, de faire un travail. Et ce travail, il faut le faire en lisant, par exemple, plusieurs interprétations ou plusieurs traductions des entretiens, la vôtre et celle de Jean Lévy ou d'autres encore. Le mieux, ce serait d'apprendre le chinois, mais le chinois classique. vous nous donnez un guide de vie pour les années à venir, en l'occurrence, Han Cheng. Je vous remercie, et pour tous ceux qui seraient intéressés pour poursuivre la discussion avec vous, eh bien, ils peuvent aller vous voir au Collège de France, suivre vos enseignements au Collège de France, les voir sur, même chez eux, sur Internet à partir de ce merveilleux site qui est celui du Collège de France et comprendre effectivement combien on apprend à côtoyer justement cette pensée confucéenne. Et puis on peut lire évidemment votre histoire de la pensée chinoise, entre autres, mais également dans le petit livre qui a été produit par Le Monde chez Folio, votre travail dans un ensemble de textes qui s'appelle Hérité et Après, sous la direction de Jean Birnbaum, qui sont issus des entretiens, le forum Le Monde, Le Mans. Et puis je rappelle que les entretiens de Confucius ont été traduits très récemment par Jean Lévy aux Belles Lettres. Merci encore à vous, Anne Cheng, d'être venue ouvrir cette semaine sur l'éducation dans son temps. Et on a bien compris qu'il y avait plusieurs façons d'envisager l'éducation confucéenne. Bonjour à vous, Jean-Marc Bastière. Bonjour. Vous êtes notre partenaire, donc vous êtes le rédacteur en chef du Monde Histoire et Civilisation, donc, et vous consacrez votre dernier numéro, et en particulier le dossier de ce dernier numéro, à l'Homo sapiens, à la conquête de la planète, et vous y découvrez, et faites découvrir à vos lecteurs que c'est un grand voyageur, cet Homo sapiens, un migrant en quelque sorte. Tout à fait, les hommes ont toujours migré, par curiosité et par nécessité. Homo sapiens, l'espèce d'homme dont nous descendons, apparaît en Afrique il y a environ 500 000 ans. Les plus anciennes traces hors de ce continent ont été découvertes en Israël et datent de 200 000 ans. Plus tard, il y a environ 70 000 ans, commencera la migration de groupes vers le reste du continent eurasiatique. Les sapiens pénètrent en Asie centrale et arrivent dans les steppes du nord de l'Himalaya. Dans le même temps, d'autres groupes se déplacent dans le sud-est asiatique et atteignent le Japon et la Sibérie. Homo sapiens parvient en Europe il y a seulement 45 000 ans. Alors comment Homo sapiens rejoint-il les continents qui sont séparés de l'Eurasie par des océans, justement, Jean-Marc ? Alors il y a 40 ou 30 000 ans, sapiens passe en Amérique par le détroit de Bering, qu'il franchit lors d'une période de glaciation. Il ne se rend pas compte qu'il traverse un océan. Il est cependant possible, nous dit Yves Coppens, que quelques Homo sapiens, après avoir construit une embarcation, aient traversé l'Atlantique depuis l'Afrique, comme bien plus tard Christophe Colomb. C'est de cette façon, en arrivant sur des radeaux, qu'il a aussi peuplé l'Australie. Cela s'est passé il y a environ 50 000 ans. Défiant le large et s'aventurant en haute mer, des hommes ont réussi à franchir une centaine de kilomètres depuis l'Indonésie. Les descendants de ces explorateurs, les aborigènes australiens, ont été isolés génétiquement jusqu'au XVIIIe siècle. Alors pourquoi est-ce que cet Homo sapiens se déplace justement à travers les continents et à travers les océans ? Bien sûr, le besoin de se nourrir est le plus puissant des aiguillons. On va chercher ailleurs une nature plus féconde, plus généreuse. On suit aussi le gibier que l'on a l'habitude de chasser. Homo sapiens passe en Amérique en même temps que le mammouth, et il se disperse par un mouvement presque naturel sur de plus vastes étendues. La croissance de la population favorise aussi la migration, les évolutions du climat également. Et puis il y a les phénomènes de conquête. Certains groupes fuient devant d'autres, plus agressifs. À chaque fois, les distances parcourues sont courtes. Quelques dizaines de kilomètres. C'est de cette façon imperceptible, par saut de puce, qu'Homo sapiens se répand à la surface du globe. Alors, est-ce qu'Homo sapiens bouleverse aussi les écosystèmes, comme semble le dire dans un ouvrage récent, dans Sapiens, Monsieur Harari ? Oui. Partout où il passe, partout l'écosystème évolue. Il consomme les ressources et les adapte à ses besoins. Prédateur redoutable, il peut ainsi chasser les espèces jusqu'à l'extinction. Il privilégie aussi les variétés de plantes qui lui sont le plus utiles. Ce phénomène est le plus flagrant dans les îles, comme à Madagascar. Homo sapiens fait disparaître les grands lémuriens, ou alors l'oiseau éléphant, une espèce d'autruche gigantesque qui pesait une demi-tonne. Le même processus se déroule en Australie. 23 des 24 espèces d'animaux de plus de 50 kilos qui peuplaient l'Australie se sont éteintes, comme un kangourou de 2 mètres de haut, un koala géant, un serpent de 5 mètres de long ou un wombat de 2 tonnes. 45 000 ans plus tard, le même phénomène se reproduit plus au sud. Il y a 800 ans, en effet, c'est-à-dire hier à l'échelle de l'histoire, les Maoris sont les premiers Homo sapiens à atteindre la Nouvelle-Zélande. En 2 siècles, la plus grande part de la mégafaune a disparu, comme 60% des espèces d'oiseaux de l'archipel. Merci beaucoup Jean-Marc Bastière. Vous parliez du dossier donc de Histoire et Civilisation, dont vous êtes le rédacteur en chef, qui est en kiosque aujourd'hui. Homo sapiens à la conquête de la planète, mais on peut trouver aussi un article sur Osiris, le Capitole de Rome, un autre sur Laurence d'Arabie, ou encore sur la Grande Jacquerie, qui nous rappelle effectivement des souvenirs très récents, avec les comparaisons qu'on a pu faire entre les Jacqueries et le mouvement des Gilets jaunes. Merci et au mois prochain.